la vie quand elle se donne, les chansons qu'on fredonne, les oiseaux migrateurs. Vraiment, je n'en veux à personne, je ris à tous les hommes, les larmes de mon cœur. Amour, mon infinie faiblesse, les mots que je t'adresse sont des arrache-cœur. Vraiment, le rien ne me console, ma vie s'en va toute seule, je suis porte-malheur. Amour, ton cœur qui se détache, je voudrais tant qu'il sache que je croyais en toi. L'hiver, la neige me caresse, mes chemins de traverse sont déjà derrière moi. Amour, ton cœur qui se détache, je voudrais tant qu'il sache que je croyais en toi. L'hiver, la neige me caresse, mes chemins de traverse sont déjà derrière moi. Derrière moi. Tu vois, je n'ai plus rien à te dire, je n'ai plus rien à rire, peu m'importe les heures, ma vie je te la donne, ne la vends à personne.